piste de recherche la plus intéressante dans la lutte contre le VIH serait-elle en train d'aboutir? Une équipe a obtenu des résultats spectaculaires sur le singe avec la combinaison de 3 anticorps. Le trou dans la magnétosphère dans l'Atlantique Sud est-il le signe avant-coureur d'une inversion du champ magnétique terrestre? Que se cache-t-il dans les profondeurs du lac Vostok, isolé depuis 14 millions d'années sous 4 km de glace au cœur de l'Antarctique? Et enfin, notre défi du jour, on vous explique tout sur l'inflation cosmique et ses théories concurrentes en moins de 12 minutes. VIH, anomalies terrestres et inflation cosmique, ce sont quelques-uns des problèmes que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour ce faire, nous avons réuni autour de la table de la méthode scientifique, comme tous les vendredis actus, la fine fleur du journalisme et de la vulgarisation scientifique en les personnes d'Hervé Poirier. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie, Pauline Maisonnas, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes créatrice de la chaîne YouTube Un peu pointu et l'homme qui ne recule devant aucun défi, notre Indiana Jones de l'astrophysique et de la physique des particules, Sylvain Guilbeault, bonjour. Bonjour. Du magazine La Recherche. Qui aura donc une dizaine de minutes pour vous expliquer in extenso la théorie de l'inflation de l'univers. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 16h45. Mais avant cela, comme chaque vendredi, c'est notre Lara Croft de l'actualité scientifique, bravant tous les obstacles et tous les dangers pour nous informer des derniers soubresauts de la recherche. Zoé Sfès, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et on ouvre ce journal avec le gouvernement qui a donc annoncé cette semaine une augmentation des budgets alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'année 2018 et tout au long du quinquennat avec notamment ce grand plan d'investissement dont vous nous donnez les détails, Zoé. Oui, puisqu'en effet, la ministre Frédérique Vidal a dévoilé hier jeudi donc son budget pour l'année 2018. Il est en hausse de 194 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et de 50 millions pour la recherche. Et elle est aussi et surtout revenue sur ce fameux grand plan d'investissement quinquennal de 56 milliards d'euros qui avait été annoncé plus tôt dans la semaine par Édouard Philippe. Et le Premier ministre avait promis à ce moment-là que sur ces fameux 56 milliards de ce plan, 8 iraient à la recherche et à l'innovation, sans qu'on sache exactement vraiment de quoi il s'agissait précisément. Alors Frédéric Vidal a quelque peu clarifié les choses hier. Sur ces 8 millions, en fait, 4 milliards et demi, iront en réalité à l'innovation. 4 millions, pas 4 milliards. Mais non, si. Alors c'est ça qui est fou, c'est que c'est 4 milliards qui ont été, c'est quand même des grosses sommes. Et en fait, le gros de ces promesses iront à ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation, c'est quoi? Ça va être des acteurs publics, évidemment, mais surtout et aussi des acteurs privés, les entreprises, sur des secteurs comme l'intelligence artificielle, le big data, la nanotechnologie, la cybersécurité. Et Frédérique Vidal, là, l'a laissé entendre assez clairement, elle n'a pas entièrement la main sur ces crédits. Elle a confirmé, en revanche, que 3,5 milliards reviennent totalement à son ministère seul. Et voici comment elle compte les utiliser. Le grand plan d'investissement consacre 1,550 milliards d'euros sur le quinquennat à l'enseignement supérieur. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais un point mérite d'être souligné. 450 millions d'euros seront consacrés à la transformation du premier cycle. C'est une décision forte. Je pense à l'augmentation des crédits de l'ANR, à hauteur de 32,7 millions d'euros par exemple, ou aux 25 millions d'euros qui viendront augmenter directement les moyens des laboratoires et notamment des unités mixtes de recherche. Permettez-moi de le souligner au passage, il s'agit d'une petite révolution. Non seulement nous remettons de l'argent sur l'ANR, dont le budget avait beaucoup souffert, mais nous nous refusons à opposer financement sur projet et crédit de base. Nous le savons tous, nous étions arrivés au bout d'un mouvement où les dotations des laboratoires étaient rognées année après année. Avec ce budget 2018, nous inversons la tendance et nous commençons à redonner de l'oxygène à notre recherche. Voilà, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, et les chercheurs donc saluaient Zoé un signal positif de la part du gouvernement, mais comme d'habitude, il préconise plutôt la prudence pour le moment. Oui, puisque le milieu de la recherche est quand même apparu soulagé. Je le rappelle tout de même, hein, en juillet dernier, rappelez-vous, il y avait un projet de décret qui avait fuité dans la presse, dans Le Monde, qui prévoyait de couper 300 millions d'euros dans le budget de ce ministère. Inquiets, plusieurs chercheurs avaient publié une tribune, toujours dans le journal Le Monde, pour dénoncer cette possible suppression des crédits. Parmi eux, il y avait le jeune physicien Adrien Jeantet, à qui j'ai demandé ce qu'il pensait de ces hausses annoncées. On voit avec les toutes nouvelles annonces que le gouvernement a finalement décidé d'investir à nouveau dans la recherche. Il y a d'abord un bon signe, donc, qui est l'augmentation du budget de l'enseignement supérieur, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mettre ça en regard du nombre d'étudiants et de son accroissement. C'est-à-dire que cette année, on a 40 000 étudiants supplémentaires, c'était déjà le cas l'année d'avant et l'année encore avant, ce qui fait finalement que l'augmentation que propose le gouvernement aujourd'hui, elle peine en fait à compenser la stagnation des années précédentes. Et on va se retrouver avec un budget universitaire qui, en termes de dépenses par nombre d'étudiants, reste plus faible qu'en 2012. Du côté purement recherche, je pense qu'on peut se réjouir de l'augmentation du budget de l'Agence de la Recherche, en tout cas de l'attribution des crédits et également des moyens de fonctionnement des laboratoires. Là encore, le gouvernement semble tâtonnant et on attend une politique un peu plus ambitieuse de simplification pour les chercheurs et d'attribution de crédits, non pas seulement sur des projets qui sont très consommateurs en termes de temps et de gestion, mais de plus en plus sur des crédits récurrents qui permettent aux chercheurs de voir sur le long terme. En bref, à Lyon, un patient en état végétatif depuis 15 ans a récupéré des signes de conscience après stimulation du nerf vague. Oui, cet homme qui a subi un accident de la route il y a 15 ans et qui était dans un état végétatif peut maintenant répondre à des demandes assez simples comme bouger la tête ou suivre un objet des yeux. Pour les chercheurs français qui ont fait cette annonce, le fait de stimuler ce fameux nerf vague qui relie le cerveau à d'autres organes majeurs du corps en envoyant des pulsions électriques permettrait de retrouver un état de conscience minimale, thèse qui bien sûr doit être confirmée par de nouveaux cas. L'École Polytechnique, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, ont lancé avant-hier une nouvelle chaire Arts et Sciences. Ce sera la première chaire de ce type au niveau européen. Le but, faire dialoguer artistes, scientifiques et publics sur des sujets comme le langage, le temps, l'alimentation ou l'énergie. Une convention entre les deux écoles a été officiellement signée à l'Institut Pasteur mercredi par un robot. Voilà, puis on vous renvoie à l'émission que nous y avions consacrée vendredi dernier en direct de la Biennale d'art contemporain de Lyon. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Le deuxième dossier cette semaine, ce sont les deux médailles d'or du CNRS qui ont récompensé avant-hier encore mercredi les physiciens Alain Brillet et Thibaut Damour pour leurs recherches pratiques et théoriques sur les ondes gravitationnelles. Zoé. Oui, rappelez-vous de ce grand moment, le 11 février 2016, les chercheurs français et américains annonçaient la première détection directe d'ondes gravitationnelles, une avancée majeure en physique qui ouvre des perspectives inouïes pour mieux comprendre l'univers, découverte qui confirme un siècle après qu'il l'ait énoncé une prédiction d'Albert Einstein dans sa théorie de la relativité. Relativité générale, théorie reprise et développée par le physicien Thibaut Damour dans des travaux qualifiés de visionnaires par le CNRS qui lui a donc remis cette médaille. Lui s'estime aujourd'hui très heureux et très chanceux d'avoir pu mener ses travaux à bien. Depuis très jeune, depuis l'âge de 14 ans, j'ai été fasciné par Einstein, ses théories, ses découvertes. Très tôt, j'ai fait des calculs autour de la théorie d'Einstein et de ses dernières théories. Sans me rendre compte que, à l'époque, la plupart des gens considéraient que la théorie d'Einstein, la relativité générale, était une voie de garage parce que elle n'avait aucun lien avec le monde réel. Mais ça, je l'ignorais. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, en septembre 1974, quand je suis arrivé aux États-Unis, on a découvert les pulsars binaires et ça a été un des premiers objets du monde réel pour lequel la théorie d'Einstein est devenue très importante. Et donc, j'ai eu la chance que ce qui était pour moi une vocation, comprendre mieux la théorie d'Einstein, la développer, est devenu utile aussi pour comprendre le monde réel. Pour la médaille elle-même, le grand plaisir intellectuel, c'est que cette médaille récompense effectivement à la fois la théorie et l'expérience, parce que dans ce cadre des ondes gravitationnelles, c'est les deux ensemble qui ont conduit au succès. Et je suis très content que ça soit une recherche à long terme. Même surprise et satisfaction chez Alain Brillet, qui après sa rencontre dans les laboratoires de Meudon dans les années 70 avec Thibaut Damour, s'est battu pour pouvoir construire des instruments de recherche expérimental pour détecter ces ondes. Il est le père de l'instrument européen Virgo et qui a permis la première détection conjointe avec son équivalent américain LIGO d'ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs. C'était hier, on l'a appris hier. L'apport d'un troisième instrument est important aussi, Advanced Virgo. Il a été développé grâce aux recherches d'Alain Brillet et il permet d'améliorer significativement la localisation des événements astrophysiques qui sont à l'origine de ces ondes gravitationnelles. C'est évidemment une consécration pour ce physicien qui vient tout juste de prendre sa retraite. Ça fait plus de 35 ans que je travaille sur ce projet. J'avais l'impression de travailler sur quelque chose d'un peu fou, et d'ailleurs on me traitait de fou à l'époque. Si les choses ont réellement changé en France, c'est qu'il y a eu à la direction du CNRS des gens qui étaient visionnaires, disons, suffisamment visionnaires malgré leurs responsabilités pour encourager le financement et le départ d'une expérience qui était très risquée à l'époque parce qu'on avait peu d'informations sur l'astrophysique et les types de signaux qu'on pourrait observer un jour. Juste au moment où j'arrive à la retraite, on commence à obtenir les résultats espérés. Ça facilite le fait de prendre sa retraite. Voilà, Alain Brillet, Thibaut Damour, les deux médailles d'or du CNRS. En bref, encore Zoé, la France s'apprête à expédier son tout dernier instrument astronomique, Matisse, au Chili. Matisse, qui est l'aboutissement de 15 années d'études et qui permet d'observer le ciel avec un niveau de détail inégalé dans le domaine de l'infrarouge moyen. Il va être installé donc au Chili, sur le toit de l'observatoire astronomique VLT, Very Large Telescope. Et il permettra notamment de mieux comprendre la formation de la Terre et des planètes. Et chose assez contre-intuitive, il y a plus de glace que prévu sur Mercure. Oui, nous le savions déjà grâce à la mission Messenger qu'il y a de l'eau qui subsiste au fond de certains grands cratères de Mercure, la planète la plus proche de notre étoile. Et de nouvelles analyses des données récoltées par la sonde suggèrent qu'il y en a aussi dans des cratères plus petits. Il y a donc plus de glace que prévu sur cette petite planète, mais on ignore toujours et encore comment elle a pu s'y former. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, on va parler de la personnalité complexe des poissons. Et oui, et d'ailleurs, Nicolas, c'est une information en soi, le poisson a une personnalité, chacun des poissons. Je suis poisson, Zoé. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'il est si affirmé. Et d'ailleurs, tous ne sont pas aussi courageux et intrépides face au danger. Au sein d'une même espèce, ils ont des tempéraments de héros parfois, et d'autres sont clairement des lâches. C'est ce que nous apprend une étude de l'université d'Exeter, où les chercheurs ont étudié une population de guppies, des petits poissons d'Amérique du Sud. En les mettant dans des situations de stress, chacun réagit différemment. Certains s'enfuient, d'autres avancent avec prudence, d'autres bravent carrément le danger. Mieux, l'opération a été répétée plusieurs fois et les réactions de chacun des poissons restent la même. Ça veut dire qu'ils sont donc effectivement comme ça, même quand on est un poisson, on ne se refait pas. Oui, mais je vous prierai de ne pas mettre en situation de stress pour ne pas avoir à cacher ma réaction de pleutre. Merci beaucoup, Zoé Sfez. Une réaction à ce que vous avez entendu dans le journal des sciences, Hervé ? Il y a des chercheurs belges qui, il y a 3 ans, avaient montré exactement la même chose sur les cafards. Que les cafards aussi ont une personnalité plus ou moins peureuse, courageuse. On se rend compte que la personnalité, alors qu'on croit que c'est un processus cognitif de très très haut niveau, en fait est une qualité qui, dès qu'on a un cerveau assez simple, émerge naturellement. C'est assez contre-intuitif. Et on voit qu'effectivement, ça concentre un certain nombre de recherches en éthologie aujourd'hui sur la notion d'émotion. On en reparlera d'ailleurs bientôt autour de cette table. Sylvain, vous vouliez dire un mot justement sur ces médailles d'or du CNRS, oui, et sur les ondes gravitationnelles. Absolument, sur cette double nouvelle sur les ondes gravitationnelles. C'est intéressant, cette double médaille d'or, parce qu'effectivement, le côté théorique avec Thibaut Damour, qui a vraiment fait des travaux assez poussés sur les équations de la relativité générale pour savoir quel signal ces détecteurs d'ondes gravitationnelles pouvaient effectivement détecter. Il fallait effectivement faire des calculs très poussés, et c'est Thibaut Damour, entre autres, qui a développé ce formalisme. Et bien sûr, le côté expérimental, ces détecteurs qui font plusieurs kilomètres de long et qui fonctionnent d'une façon ultra complexe. Donc les deux ensemble, c'est assez sympa d'avoir donné cette double médaille d'or. Ensuite, sur la détection, la première détection de Virgo, en plus des deux instruments américains LIGO, bon, c'est rassurant, ça assure que les détecteurs fonctionnent bien et que désormais on va pouvoir mieux localiser l'origine de ces ondes. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler des ondes gravitationnelles. Là, on a détecté des trous noirs, la quatrième fusion de trous noirs, mais pourquoi pas bientôt des fusions d'étoiles à neutrons. Je vous renvoie à l'émission de lundi, de mardi exactement, consacrée précisément aux pulsars et aux étoiles à neutrons. Un mot, vous vouliez également réagir, Hervé, sur cette stimulation du nerf vague qui a permis une reprise légère de conscience d'un patient qui n'était plus. Ouais, c'est assurément l'expérience la plus spectaculaire dans les stimulations de nerfs graves qui a été faite. Mais c'est peut-être pas la plus étonnante parce que depuis quelques années, la stimulation du nerf grave est utilisée pour soigner des troubles qui sont pas directement liés au cerveau, des troubles de douleurs chroniques, d'hypertension, des maladies immunitaires, et c'est une nouvelle type de thérapie, non pas chimique, mais purement électrique, qui commence à voir le jour. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et on va passer au premier sujet de cette table ronde consacrée, comme un vendredi sur deux, à l'actualité des sciences et de la recherche avec vous, Pauline Maisonnas. Je précise que vous êtes évidemment la créatrice de la chaîne YouTube un peu pointue. Vos travaux de recherche portent justement sur le VIH, comme toujours en ce qui concerne les percées thérapeutiques dans le traitement du VIH. Il faut faire preuve de grande prudence. On a déjà beaucoup parlé autour de cette table de l'une des pistes prometteuses de la recherche en ce moment, qui concerne les réservoirs du VIH. On va vous remettre le lien, là, une fois de plus, sur le fil Twitter de l'émission. Mais vous venez nous parler d'une autre piste qui intéresse de très très près de nombreuses équipes de recherche en ce moment. Il s'agit de la recherche vaccinale, cette fois, sur les anticorps dits à large spectre. Expliquez-nous de quoi il est question. Tout à fait. En fait, le VIH, c'est un virus qu'on qualifie de malin parce que il arrive à échapper à notre système immunitaire, puisque classiquement, quand on est infecté par un virus ou une bactérie, et c'est le principe du vaccin, notre système immunitaire reconnaît ce virus et va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps qui savent reconnaître une partie du virus ou de la bactérie. Et normalement, le système immunitaire retient ça et quand on est réinfecté, reproduit ces anticorps qui viennent neutraliser le virus. Mais avec le VIH, c'est pas si simple puisque c'est un virus qui mute énormément, ce qui fait que dans un même patient infecté par le VIH, on a un nombre vraiment impressionnant de différentes souches du virus. Et comme il mute en continu, on a beau produire des anticorps, comme un anticorps ne reconnaît qu'une partie du virus, les anticorps deviennent vite obsolètes puisque le virus mute et cette partie qu'il était capable de reconnaître, ben, il la reconnaît plus. Donc on a trouvé... Pardon. Non, pas du tout. Non, au contraire, je voulais juste, puisque c'est votre spécialité, on peut réexpliquer précisément, parce qu'aujourd'hui, on connaît bien les mécanismes qui sont à l'origine de cette extrême mutabilité du VIH. Vous pouvez peut-être nous en toucher un mot. En fait, rapidement, c'est que quand un virus a donc besoin d'infecter une cellule pour que cette cellule produise de nouveaux virus. Et en fait, pour le VIH, quand la cellule produit de nouveaux virus, ils ne sont jamais identiques, parce qu'il y a des sortes d'erreurs quand on réplique ce virus. Et particulièrement chez le VIH, ces erreurs sont nombreuses. Donc, on appelle ça des erreurs, mais en soi, on produit quand même de nouveaux virus qui sont eux aussi capables d'infecter. Et donc, on a une variété très importante. Et donc, parlez-nous précisément de ces résultats très encourageants qui ont été effectués par des chercheurs américains des instituts nationaux de santé en collaboration avec les laboratoires Sanofi, je crois. Oui, c'est ça. En fait, donc on connaît quand même une certaine catégorie d'anticorps qui se développe en général au bout de plusieurs années d'infection chez l'homme et qu'on appelle à large spectre. Donc en fait, c'est qu'un anticorps est capable de neutraliser plusieurs sortes de virus, et c'est ça qu'on cherche à arriver à faire, en fait, pour les traitements et à long terme pour des vaccins. Et en fait, les scientifiques dans cette étude ont réussi à prendre trois types de ces anticorps à large spectre. Donc chaque type d'anticorps est capable de reconnaître une partie différente du virus. Et en fait, ils ont réussi à fabriquer un anticorps artificiel, donc, qui reconnaît trois molécules en même temps. Ça, naturellement, ça n'arrive pas. Mmh. Et ils ont réalisé qu'en injectant ces anticorps à des macaques, ils arrivaient à 100% de protection quand ils les infectaient ensuite avec deux types de virus. Alors, il faut faire évidemment, encore une fois, toujours très attention. On est pour le moment dans des essais chez les macaques. Ça a effectivement bien fonctionné in vitro. Ça fonctionne bien chez les macaques. Il faut préciser que ces études portent sur une variante particulière du VIH qui est ce qu'on appelle le SHIV. C'est une chimère, en fait. C'est un mélange entre le VIH simiesque et le VIH humain. Tout à fait. En fait, quand on travaille en études précliniques, donc chez le macaque, on va souvent travailler avec ces virus chimères, c'est-à-dire qu'on prend une partie du HIV d'un HIV humain et d'un SIV, donc c'est le virus simiesque qui circule dans les populations naturelles. Et on va essayer de faire une chimère qui représente au mieux ce qu'on voudrait modéliser chez l'homme. Mais on est sûr que ça infecte les macaques. Quel est aujourd'hui, alors effectivement ces résultats sont très encourageants, il y a déjà eu des résultats très encourageants sur le SIV, donc le VIH des singes, le VIH, tout à fait, le VIH. Je m'embrouille dans les acronymes. acronyme. Mais le problème, c'est que la transposition à l'homme, c'est très très hasardeux. Bien sûr, là, on n'est pas du tout en train de dire que ça va fonctionner chez l'homme, mais c'est un résultat très prometteur parce qu'arriver à 100% de protection, même chez le macaque, c'est déjà en soi un exploit. Donc là, bien sûr, avant de pouvoir dire que c'est transposable à l'homme, il va falloir tester chez l'homme pour voir dans un premier temps si ça induit pas une réponse immunitaire, puisque la première chose qu'on fait quand on développe un nouveau traitement potentiel, c'est de voir s'il n'a pas d'effet néfaste. Donc c'est ce qu'il s'apprête à faire dans une phase clinique, dans une première étape. Ce 100% de résultat, évidemment, c'est très encourageant en laboratoire. Quel est le référent, par exemple, des autres types de traitements vaccinaux? Vous avez en tête quelques chiffres sur ce qu'on avait déjà essayé sur le VIH du singe qui n'arrivait pas du tout à des taux aussi importants. Hein. Là, par exemple, dans la même étude, en fait, ils ont pris deux autres groupes auxquels ils ont injecté un seul des anticorps neutralisants, et là, ils arrivaient à 60 ou 70% de protection. Et donc, il y a déjà eu aussi des essais où on combinait seulement deux types d'anticorps, pas trois, et on avait aussi des bonnes protections, hein, mais pas 100%. Là, donc, c'est une trithérapie d'anticorps. C'est trois types d'anticorps différents. On peut réfléchir comme pour la trithérapie, où un seul des traitements à l'époque ne fonctionnait pas, et maintenant, on a cette combinaison de trois qui est efficace. La question, quelle est la suite une fois qu'on obtient ces résultats-là sur le singe? Quelle est la suite logique des essais cliniques? Est-ce qu'on a un peu une idée du déroulé? Alors là, pour cette étude, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire une première étape d'essai clinique. Donc là, c'est ce que je disais, ils vont d'abord tester pour voir si ça n'a pas d'effet secondaire, évidemment. Et si ça n'en a pas, on peut espérer qu'ils vont ensuite faire une deuxième étape, dont ils parlent d'ailleurs déjà dans les communiqués. Ce serait de tester en fait sur des patients qui sont infectés par le HIV pour voir si on arrive à réduire la réplication du virus chez ces patients, puisque c'est un des enjeux en fait. Là, c'est ce que fait la trithérapie, et si on pouvait un peu alléger ce traitement très très contraignant de la trithérapie, ce serait vraiment une avancée importante. Ça, c'est à court terme. Et puis, à plus long terme, simplement le fait d'arriver à fabriquer comme ça des anticorps trispécifiques, en soi, c'est une grosse avancée qui sera potentiellement utilisable contre d'autres maladies. Alors, expliquez-nous justement comment on aboutit à fabriquer ces anticorps. Là aussi, c'est effectivement, vous venez de le dire, une avancée de la recherche biomédicale intéressante. Alors, en fait, c'est pas tant... Là, on a fabriqué un anticorps qui reconnaît trois types de molécules, mais chaque anticorps séparé, dans ce cas précis, ont été isolés à partir de patients infectés, en fait. Donc, ce sont des anticorps qui avaient été produits naturellement après plusieurs années d'infection. Et donc, la deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est justement que dans certains cas, comme on n'arrivait pas à faire produire ces fameux anticorps neutralisants, on est allé voir chez d'autres espèces qui produisent des anticorps un petit peu différents des nôtres. Donc, initialement, ça avait été testé sur le lama, par exemple, qui produisait des anticorps neutralisants, qui avait été testé chez le macaque aussi. Et là, plus récemment, il y a eu donc une étude dans Nature, qui a été faite chez les vaches cette fois. Les vaches, en l'occurrence, on produit de base des anticorps qui sont intéressants en termes de neutralisation. Donc on les a immunisés avec une molécule du VIH pour voir ce que ça donnait. Et ça produit des anticorps neutralisants. Pour donner des référents, ça fait longtemps qu'on parle de vaccins. Alors il y a différents types de vaccins, mais de vaccins thérapeutiques pour le VIH. Les derniers essais sont en général rarement concluants. Je veux pas doucher tous les espoirs, mais en fait on arrive tout de même à des pourcentages de couverture qui sont relativement bas. Alors si on parle de vaccins thérapeutiques, là j'ai pas les chiffres en tête. Par contre en vaccin, vraiment en vaccin prophylactique, c'est-à-dire un vaccin qui protège au sens classique du terme, oui, on arrive à pas plus de 30% de protection. Donc on va suivre vos travaux portent exactement Pauline sur quoi, sur votre domaine de recherche? Entre autres sur un projet européen qui cherche à trouver un vaccin contre le VIH. La méthode scientifique, Nicolas Martin. We broke everything that was right. We both enjoyed a good fight. We sold all the holes we had to breathe to make the other one leave. And I loved the way you looked at me. And I missed when we were alone, when we were alone. And now I shiver like I used to. Now I leave here De Lucie Rose dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes dans notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche en compagnie d'Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie, de Pauline Maisonnas de la chaîne YouTube Un Peu Pointu et de Sylvain Guilbeault, du magazine La Recherche. Et notre deuxième sujet cette semaine, c'est un dossier donc du numéro du mois d'octobre de Science et Vie, dossier consacré à des endroits sur notre belle planète qui défient les modèles géologiques, physiques et climatiques. Hervé Poirier, comment est-ce que vous êtes allé à la recherche de ces endroits-là? Comment est-ce que vous les avez identifiés? Le principe était de trouver des endroits qui sidèrent les meilleurs experts. Le tourisme de l'étrange, il y a des très bons guides où on peut aller voir des endroits très bizarres. Mais là, c'est surtout pas les naïfs que l'on, dont on voulait partager l'étonnement. C'est vraiment les meilleurs experts qui allaient sur des endroits et disaient « là, c'est stupéfiant ce qui se passe ». Donc on a fait beaucoup de recherches sur les différents domaines. Quel est l'endroit le plus bizarre de la climatologie? Quel est l'endroit le plus bizarre de la glaciologie, de la volcanologie? Et on a trouvé une dizaine d'endroits particulièrement stupéfiants pour les meilleurs experts. On a rarement été sur place. Par contre, on a beaucoup interrogé les spécialistes qui y ont été. Alors, il y a effectivement des endroits assez stupéfiants et assez étranges. Moi, j'aime bien l'un de mes favoris, c'est ce champ hydrothermal de Dalol dans le nord de l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, il est très connu dans le milieu des chimistes, aussi et surtout dans le milieu des exobiologistes, parce qu'il ressemble pas du tout à ce que la Terre est aujourd'hui. C'est vraiment le témoin de ce que pourrait avoir été la Terre il y a 3 milliards d'années avant l'apparition de la vie. Et alors, à quoi ça ressemble? Expliquez-nous. Il y a une belle photo, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas la photo, qu'est-ce que ça de, à quoi ressemblait la Terre il y a 3 milliards et demi d'années? Alors, les couleurs sont absolument acidulées. L'acidité du lieu est plus forte que tout ce qui existe ailleurs sur Terre. Le pH est négatif, ce qui est difficile à envisager. La question, c'est est-ce que la vie peut s'installer? La question centrale que se posent les biologistes, c'est est-ce que la vie peut s'installer dans l'endroit le plus extrême de la Terre? Et avec, dans un coin de tête, l'idée de se dire s'il y a des planètes qui présentent ces caractéristiques-là, est-ce qu'elles restent pour autant hospitalières? Donc, en fait, c'est un lieu très connu des experts qui font beaucoup d'expériences et qui en effet constatent que les bactéries extrémophiles, certaines arrivent à résister à ce lieu hors norme. Ça, c'est l'un des lieux. Il y a une autre anomalie intéressante et dont on a un peu parlé ici quand on parle du champ magnétique terrestre. C'est un trou dans notre magnétosphère qui se situe dans l'Atlantique Sud, Hervé. Ouais, c'est le triangle des Bermudes des satellites. Mmh. C'est là qu'il y a le plus grand nombre d'accidents de satellites. Mmh. Hubble, quand il passe au-dessus, il coupe ses signaux. Mmh. C'est assez mystérieux pour les experts des phénomènes magnétiques. Mmh. Ça pourrait être un signe avant-coureur d'un début d'inversion des pôles, ce qui est un phénomène naturel qui arrive de façon assez régulière, mais ça fait quand même longtemps qu'elle n'est pas arrivée sur Terre. Donc c'est guetté avec attention et un peu d'inquiétude par les experts, en tout cas avec une grande attention aussi par le transport aérien, par toute l'industrie des satellites. C'est le lieu où c'est le trou dans le champ magnétique terrestre. Quand on regarde la carte, c'est vrai qu'on voit que ce trou. C'est une baisse d'intensité importante, c'est une baisse de 50%, et il faut rappeler que la magnétosphère, c'est ce qui nous protège contre le rayonnement solaire, le rayonnement intergalactique, les rayons gamma. Donc avec des conséquences, d'où les avions. Enfin, il avait été évoqué à certaines époques que le fameux accident de Rio-Paris était passé sous cette zone-là et qu'il peut y avoir des interactions. Là, c'est très spéculatif. Mmh. En tout cas, sur les accidents de satellites, les statistiques étaient sidérantes. On voit vraiment qu'il y a un problème dans cet endroit. Mmh. Sur l'inversion du champ magnétique, alors il y a plusieurs modèles. On a l'impression que ça va très vite à l'échelle cosmologique. Alors à l'échelle humaine, c'est beaucoup plus lent. Mais effectivement, normalement, on en voit dans les traces sédimentaires ou dans la lave tous les 400 000 ans. Or, la dernière, c'était quasiment le double de temps, il y a 780 000 ans. Donc est-ce que notre champ magnétique est en train de s'inverser? Est-ce que le pôle Nord va passer au Sud et inversement? Les experts n'en savent rien. Est-ce que ce trou était là depuis 40 000 ans ou est-ce qu'il est réapparu? Ils regardent sa dynamique avec une grande attention. Il y a deux autres endroits qui vont à l'inverse de ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est-à-dire qui contredisent entre guillemets le réchauffement climatique dans des zones très spécifiques. Le premier, c'est une région située entre le Canada et l'Atlantique Nord où le réchauffement climatique n'a pas l'air d'avoir d'influence. Non, c'est la seule région du monde qui refroidit. Voilà. C'est quand même ça, c'est quand même une anomalie climatique assez incroyable. Les modèles. En un sens l'explique au sens où ils le prédisent, mais la dynamique est tellement complexe qu'il est assez difficile de savoir qu'est-ce que va devenir cet endroit qui refroidit. Beaucoup de climatologues pensent que c'est un des endroits où se joue le destin climatique de l'Europe du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un brusque refroidissement de cette région qui contrecarre pendant tout le 21e siècle, le réchauffement en Europe. Donc, c'est une énorme zone d'incertitude. C'est ici que se jouent les grands courants de convection avec ce Gulf Stream qui boucle ici son grand chemin. Donc, c'est un endroit de fragilité et d'intensité très, très singulier dans le système Terre. C'est un endroit très connu des spécialistes. Donc, nous avons été les voir pour qu'ils nous parlent de cet endroit qui est assez... de l'étrangeté d'un phénomène climatique assez crucial quand même pour ce qui va se passer au 21e siècle. Mais on a un début d'explication lié au courant marin ou au courant atmosphérique, ou est-ce que c'est totalement... Les modèles le prédisent. Les modèles prédisent que ce n'est pas paranormal. C'est normal, c'est de la complexité aussi des modèles climatologiques. Par contre, c'est un endroit très sensible, c'est un point de bascule du devenir du climat de la Terre. Donc la prévisibilité est assez délicate, mais on n'est pas dans un phénomène qui remet en cause le réchauffement. Typiquement, c'est dans le cadre d'un réchauffement que cette région apparaît naturellement. C'est ici où les eaux froides s'enfoncent au fond des océans. Donc il se passe quelque chose de très singulier, c'est dans la mer du Labrador. Que se joue une partie du destin du climat européen du 21e siècle. Et puis, dans le même courant, entre guillemets, il y a un glacier de l'Himalaya sur le K2 qui, à l'inverse de tous les glaciers même autour, lui, progresse. Et c'est un gigantesque glacier. Le spécialiste qui avait commencé à être étonné de l'évolution de ce glacier il y a quelques... il y a quelques décennies, a eu beaucoup de mal à se faire publier, à ce que les autres, ses collègues y croient. Depuis, les données satellites sont très nettes. Non seulement ils ne font pas, mais ils grossissent de 11 cm par an. 10%, c'est assez impressionnant, 10% de l'augmentation du niveau des mers à la fin du 21e siècle était lié à la fonte de ce glacier. Or, ils ne font pas, il grandit. Là encore, c'est pas du tout une remise en cause du réchauffement. C'est compliqué. Enfin, on peut pas dire que l'explication soit là, mais il y a des phénomènes assez locaux. Sans doute, ça neige plus qu'il ne pleut. Alors que les autres glaciers fondent parce qu'il pleut beaucoup. Là, c'est plutôt de la neige en hiver. Enfin, c'est un phénomène local, microclimatique, mais qui peut avoir des conséquences globales. C'est 10% quand même de la hausse des niveaux de mer qui se joue en cet endroit-là, le seul glacier qui refuse de fondre. Et puis alors moi j'ai toujours une petite affection pour ces histoires de monde perdu. Je le disais au tout début de cette émission, il y a cette zone qui est en fait un lac immense sous l'Antarctique, je crois sous 4 km de glace, si je me trompe pas. Attendez, j'essaie de retrouver, je tourne les pages du magazine en même temps. Voilà, c'est ça. Qui est un lac donc souterrain sous l'Antarctique et qui est intact depuis 14 millions d'années, et avec évidemment la curiosité de se dire qu'y a-t-il là-dessous, puisqu'il y a 14 millions d'années, l'Antarctique n'était pas tout à fait à la même place. Oui, ça fait des années que de nombreux spécialistes, mais nous aussi à la rédaction, on fantasme sur le lac Vostok, où il y a un grand suspense, quand est-ce que les Russes vont enfin réussir parce que c'est les Russes qui inspectent ce lac, personne n'y a encore été, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme vie, sachant que c'est une anomalie évolutive, c'est le seul endroit connu qui a été aussi isolé du reste pendant 14 millions d'années. Qu'est-ce que devient la vie quand elle est comme ça? Les experts sont sûrs, il y a de la vie. Mais alors à quoi elle ressemble? Donc c'est un très joli mystère évolutif. Et les Russes ont pris un peu de retard par rapport à ce qu'ils annonçaient il y a quelques années. C'est en 2018-2019 qu'ils devraient enfin mettre le doigt dans le lac. Quand je parle du doigt, évidemment, là, il y a des tensions de non-contamination essentielle. Donc il faut, c'est des projets qui durent depuis de longues années, mais à la rédaction, on suit de très près ce mystérieux lac. C'est très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on peut explorer un endroit comme ça sans, en étant sûr de ne pas le contaminer. Ça pose des problèmes d'ingénierie invraisemblables, et surtout dans des circonstances climatiques, puisqu'on est en plein cœur de l'Antarctique. La contamination, c'est aussi un problème central de l'exploration spatiale. La vitesse avec laquelle n'importe quel objet qui vient de la Terre contamine un milieu pur est tellement sidérante que les Russes ont pris beaucoup plus de temps qu'ils ne prévoient. Les Américains, les Anglais sont aussi en train de forer dans des lacs souterrains en Antarctique. Aucun n'a la taille et n'a la puissance évocatrice et fantasmatique du lac Vostok. Alors ça, il en reste d'autres à découvrir, qu'on va laisser les auditeurs découvrir en se procurant le numéro d'octobre de Science et Vie. Moi, j'aime bien aussi ce petit encart qui rappelle qu'il y a eu d'autres mystères, d'autres endroits qui avaient, pareil, leur lieu de fantasme, de légende, et qui sont sortis de cette catégorie. Vous pouvez nous en toucher un mot, Hervé? Ils sont sortis de ces catégories où ils étaient tellement bizarres, étranges, qu'ils semblaient plus le lieu d'une anecdote assez bizarre. C'est ces fameuses, par exemple, pierres qui bougent toutes seules, où on voyait dans un désert des pierres qui bougeaient toutes seules avec des droites sidérantes. C'est ça, des pierres qui bougeaient tout droit. On pensait que les pierres étaient animées, on comprenait pas, on se demandait même si c'était pas un canular, si les gens venaient pas les déplacer pendant la nuit. Absolument, donc des fantasmes paranormaux, évidemment, en fusion. Et là, les réponses sont souvent un peu désolantes. Là, c'était le vent qui réussissait à faire glisser les pierres la nuit. Sur du verglas, en fait. C'était le verglas qui n'était pas attendu. Absolument. Et du coup, voilà. Donc, nous, on a plutôt. Enfin, il y avait aussi les cercles de fées qui sont des magnifiques petites. Dans le désert namibien. Ouais, qui sont des magnifiques petites structures géométriquement parfaites, résultat d'un écosystème inattendu. Mais ce type de mystère, quand on les perce, s'avère souvent décevant. On a plutôt cherché des mystères qui, une fois percés, sont encore plus fascinants. A strange form of life kicking through windows, rolling on yards, hitting in loved ones, triggering eyes. A strange one. into the weather, into a path, walking together, a hard word. Form of Life de Bonnie Prince Billy dans la méthode scientifique. Et oui, des formes de vie étranges comme celles que l'on peut trouver dans ce lac de Vostok que l'on explorera peut-être un jour. C'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche en compagnie d'Hervé Poirier de Science et Vie, de Pauline Maisonnas de la chaîne YouTube Un Peu Pointu et de Sylvain Guibaud du magazine La Recherche. Et voilà pour le troisième et dernier sujet de la semaine. Vous voyez, on a créé un jingle spécial pour vous, Sylvain. Le défi de la semaine de Sylvain Indiana Jones Guilbeault. Puisqu'après vous être attelé à nous expliquer en une dizaine de minutes les noyaux d'atomes super lourds, votre défi du jour, Sylvain, aujourd'hui, c'est vous avez un peu plus donc de 10 minutes pour nous expliquer les théories et contre-théories de l'inflation de l'univers. Bon courage. Oui, merci Nicolas, c'est à la fois flatteur mais un peu prétentieux, je trouve, de me comparer à Indiana Jones, mais allez-y. Sait-on jamais. Donc c'est un dossier passionnant dans le magazine de la recherche de ce mois-ci, en tout cas. Voilà, donc on s'est penché sur l'inflation cosmique. Alors, je précise cosmique hein, parce que le mot inflation peut avoir des connotations économiques qui n'ont rien à voir dans ce que je vais dire. Mais alors l'inflation, donc on va se placer vraiment au début de l'univers. Vraiment, on va remonter presque 14 milliards d'années en arrière, au moment où l'univers est apparu. Et l'inflation, en fait, on peut pas dire que c'est une théorie en tant que telle, mais c'est plutôt un modèle qui vient compléter la théorie du Big Bang. Alors peut-être on va commencer par là, un mot sur la... Commençons par le commencement, voilà, dans tous les sens du terme. La théorie du Big Bang, alors pour pas faire de contresens, la théorie du Big Bang, en fait, dit simplement que l'univers, il y a très longtemps, c'est-à-dire 14 milliards d'années, était très petit et très chaud, comparé à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, on avait un univers petit et chaud qui s'est progressivement étiré, qui a grandi progressivement pour donner l'univers qu'on connaît, qui a refroidi et qui a par exemple donné 380 000 ans à peu près après cet instant hypothétique, l'instant zéro du Big Bang, a donné le fond diffus cosmologique. Peut-être que les auditeurs ou en tête cette carte, ce planisphère qui a été fait par le satellite Planck notamment récemment, ce planisphère un peu pointilliste, bleu, vert, un peu jaune, qui représente en fait la température du rayonnement qui a été émis 380 000 ans après le Big Bang, au moment où les photons se sont libérés des électrons et de la matière et ont pu se propager librement dans l'univers. C'est le moment où la lumière fut. Non seulement on va vous mettre une image de ce fond diffus cosmologique sur le fil Twitter, mais en plus on va vous mettre un lien vers l'émission que nous avions consacrée en entier, précisément expliquer ce que c'est que ce fond diffus et ce qu'il nous raconte de ses origines de l'univers. Voilà, alors ce fond diffus a vraiment été une confirmation de la théorie du Big Bang, du fait que l'univers au départ était très petit et très chaud. Mais il a aussi posé des problèmes. En particulier, si on regarde cette carte d'assez loin, en fait, finalement, les petits points se confondent et on voit un espèce de planisphère presque uniforme. Ça signifie en fait que quand on regarde deux endroits, deux directions opposées dans l'univers, si on regarde par exemple à droite ou à gauche, finalement, on va voir un univers qui est très semblable dans les deux directions, qui a à peu près la même température. Or, pour que deux objets aient des propriétés semblables, pour qu'ils soient à la même température, il faut qu'ils aient été en contact pendant un certain temps. Pensez par exemple à votre tasse de café que vous posez sur votre table. Il faut attendre un certain temps avant qu'elle prenne la même température que la pièce qui est autour d'elle. Bien sûr, généralement, on n'attend pas ce temps et on préfère boire son café chaud. Ça marche aussi avec les glaçons et la boisson, mais ça, c'est une autre question. Donc, pour que ces deux régions opposées de l'univers soient aujourd'hui à la même température, qu'on les observe à la même température, il faut qu'elles aient été en contact. Or, 380 000 ans, entre l'instant hypothétique de la naissance de l'univers et l'émission de ces rayonnements, c'est pas suffisant. Ces régions n'ont pas pu être en contact et s'être séparées aussi rapidement. Donc ça posait ce qu'on appelait le problème de l'horizon dans le modèle du Big Bang. Et c'est à ce problème en particulier et à d'autres que répond l'inflation. C'est-à-dire que entre l'instant hypothétique 0 et 380 000 ans, il s'est produit une inflation, c'est-à-dire un grandissement exponentiel, extraordinaire, formidable de la taille de l'univers, par un facteur au moins 10 puissance 26, des milliards de milliards de milliards de fois. Ce modèle de l'inflation, il est aujourd'hui communément admis parce qu'il répond à un certain nombre de problèmes ou d'hypothèses, mais néanmoins il pose aussi certains problèmes et certaines questions auxquelles il n'arrive pas à répondre complètement. Oui, c'est ça. D'une part, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement observé toutes ces prédictions. Et en fait, ce qui nous a donné envie de faire ce dossier dans le magazine La Recherche, c'est qu'il y a un débat actuellement, même on peut dire une controverse chez les cosmologistes, les physiciens qui étudient justement l'univers. En particulier, au début de 2017, il y a un physicien qui s'appelle Paul Steinhardt qui a publié un article assez vindicatif contre l'inflation. Or, Paul Steinhardt, pourtant, c'est une des figures au début des années 80, ça a été un des théoriciens qui a promu ce modèle d'inflation pour expliquer ce problème en particulier de la théorie du Big Bang. Et puis il est revenu sur la question, il lui semblait que finalement les modèles d'inflation, en fait on dit inflation au singulier, mais la vérité c'est qu'il existe une multitude de modèles différents d'inflation. Par exemple, quand je vous citais par exemple le facteur 10 puissance 26, ça peut varier, on n'est pas sûr exactement de quand ça s'est produit exactement. Exactement. Donc il y a une multitude de modèles qui en fait donnent des prédictions différentes. Et finalement, ce que dit Paul Steinhardt, c'est au fond les modèles d'inflation prédisent tellement de choses différentes que c'est normal que si certains d'entre eux prédisent le bon résultat, mais au fond c'est un coup de chance. L'inflation, il dit carrément, ce n'est pas une théorie scientifique. Bien sûr, donc ça a provoqué un petit tollé. Beaucoup d'autres physiciens ont répondu en disant non, l'inflation fait bien des prédictions, ce qui est quand même l'avis de la majorité des physiciens, notamment sur ce fond diffus cosmologique. Comme je vous disais, c'est de petites anomalies de température, mais globalement, le niveau d'invariance de ce fond est bien prédit par des modèles simples de l'inflation. Et plaide pour ce modèle-là. Mais alors, à quel endroit le bas blesse, en fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et surtout, quels sont les modèles alternatifs qui seraient proposés s'il y a malgré tout une sorte d'unanimisme qui ne l'est pas tout à fait, mais en tout cas de conviction collective qu'on est face à un modèle solide, robuste? Quels sont les modèles parallèles qui peuvent venir s'y substituer? Eh bien, ça sera un modèle où l'univers aurait fait un rebond, en fait. C'est-à-dire que l'univers aurait connu, il y a très longtemps, une phase de contraction. Donc, en fait, il faut imaginer qu'auparavant, l'univers était en fait très très grand, qu'il s'est contracté très lentement, mais avant de s'effondrer complètement sur lui-même, il aurait rebondi et se serait à nouveau étendu. Et finalement, ce qu'on appellerait Big Bang, finalement, c'est uniquement cette phase de rebond et d'expansion, de nouvelle expansion qu'on observe aujourd'hui. Il y a des modèles alternatifs qui finalement reproduisent ces fluctuations du fond diffus cosmologique, donc qui reproduisent les données qu'on observe aujourd'hui. Et finalement, l'avantage de ce modèle du rebond, c'est qu'il résout un autre problème de la théorie de l'inflation, plutôt un problème qui est caché sous le tapis dans l'inflation, c'est qu'au fond, ça répond pas à la question de l'instant zéro. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'hypothétique instant zéro, c'est qu'au fond, on sait jamais ce qui se passe à cet instant-là. Ça reste une question un peu spéculative pour les physiciens. L'inflation ne répond pas. Au fond, il y a toujours cette singularité initiale avec l'inflation. Le modèle du rebond a l'avantage de dire qu'il gomme cette singularité initiale, puisqu'il dit qu'au fond, l'univers s'est contracté, qu'il n'a jamais atteint cette singularité, qu'il a rebondi pour donner ce qu'on observe aujourd'hui. Et ce modèle du Big Bounce, ce n'est pas qu'un modèle alternatif à la théorie de l'inflation, c'est aussi la marotte de l'hypothèse de la quantification de la gravitation. Voilà, en fait, même parmi cette hypothèse de Big Bounce, il y a des sous-catégories de modèles dont certaines imaginent une possibilité de réconcilier relativité générale et gravitation et mécanique quantique, et mécanique donc quantique. Une gravitation quantique. Il y a aussi des modèles de théorie des cordes, donc les concurrents qui... C'est les O'Hara et les O'Timmins de l'astrophysique, la théorie des cordes versus la gravitation quantique à boucle. Aujourd'hui, c'est ce modèle de Big Bounce, il fait quand même son chemin, il commence à trouver de plus en plus de partisans, il est moins marginal qu'il ne l'a été. C'est vrai. Et finalement, on a, par exemple, Patrick Peter, qui est un cosmologiste qui écrit dans notre numéro de la recherche, qui étudie notamment des modèles alternatifs de rebond. Et pour lui, c'est intéressant d'étudier ces modèles alternatifs, même si lui, il n'est pas dans la controverse. Il dit que l'inflation, effectivement, on a de grandes raisons d'avoir confiance dans ces modèles d'inflation, mais qu'au fond, on peut jamais prouver qu'une théorie est juste. Ce qu'il dit, c'est qu'au fond, un scientifique cherche toujours à montrer qu'il a tort, et donc à chercher des modèles alternatifs, à savoir quelles données on pourrait observer dans le futur qui pourraient contredire le modèle d'inflation. Et effectivement, entre des modèles Big Bounce avec des rebonds et des modèles d'inflation, il y a des données qui pourraient diverger et qu'on pourrait dans le futur observer des choses qui nous permettraient de trancher entre ces modèles. Alors justement, c'est intéressant, c'était ma dernière question précisément. Sylvain, quelles seraient les solutions, puisque là on est finalement dans des expériences de pensée, dans des modèles théoriques, est-ce qu'il y a des solutions observationnelles à court ou à moyen terme qui permettraient de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que c'est encore très loin, est-ce qu'on est encore un peu en train de faire de la science-fiction? Non. On n'est pas dans la science-fiction du tout. Peut-être qu'à court terme, on aura une réponse. Déjà, il y a eu une fausse alarme en 2012. C'était l'expérience BICEP 2. En fait, une des traces observationnelles qu'on cherche à détecter pour être fixé sur la question, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles primordiales. Voilà. Mm-hmm. Le retour des ondes gravitationnelles. Nous y revoilà. Voilà. Alors cette fois, il ne s'agit pas de trous noirs comme on a observé. Là, on parle d'ondes gravitationnelles primordiales. Donc ce sont toujours des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des vibrations de la trame de l'espace-temps qui constitue l'univers et qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et primordiales parce qu'elles auraient été émises s'il y a eu cette phase d'inflation au tout début de l'univers. Ça aurait créé de telles ondes gravitationnelles. Par le Big Bang, en fait, ce seraient les ondes gravitationnelles du Big Bang, en quelque sorte. De l'inflation, ou peut-être même s'il y a un rebond, il pourrait y avoir des ondes gravitationnelles. Et selon les modèles, elles auraient eu des caractéristiques différentes. Et ce qu'on cherche, en fait, il est possible de détecter la trace qu'ont laissé ces ondes gravitationnelles primordiales dans le fond diffus cosmologique, dans ce fameux planisphère observé par Planck. Et justement, il y a quelques années, en 2012, BICEP 2 avait pensé observer ces traces dans le fond diffus cosmologique. Ça s'était avéré être une fausse alarme, puisque en fait c'était des poussières de la Voie lactée qui parasitaient le signal. Mais les recherches sont toujours en cours, notamment au South Pole Telescope. Donc il y a un télescope au pôle sud qui cherche à capter ce rayonnement. Il y a aussi un autre télescope au Chili qui cherche la trace de ce signal. Donc voilà, eh bien écoutez, on va attendre cette trace. Sait-on jamais qui pourrait favoriser un modèle sur l'autre. En en tout cas le dossier complet si vous voulez tout savoir, outre ce que vient de vous résumer avec brio Sylvain Indiana Jones Guilbeault de l'inflation de l'univers et des modèles alternatifs à cette théorie du Big Bang, c'est dans le numéro de la recherche du mois d'octobre. Comme d'habitude, eh bien, je me retourne vers vous, une dernière actualité, quelque chose dont nous n'avons pas parlé, peut-être à venir, peut-être passé, qui vous semble intéressant de noter, Pauline Maisonnas ? Il va y avoir plusieurs événements de suite dans les prochaines semaines de vulgarisation et médiation scientifique. Il y a la Nuit européenne des chercheurs qui sera ce soir, donc le 29. Il y a le Festival Paris Science du 2 au 9 octobre. C'est un festival international du film scientifique et il y a plein d'activités. Ça vaut le coup d'aller voir sur le site. Donc France Culture est partenaire. Et ben voilà, très bien. Et notamment le 7 octobre, il y aura une table ronde avec des vidéastes de trois super chaînes YouTube que je vous encourage à aller voir. Qui sont Macroscopie, Balade mentale et La statistique expliquée à mon chat. Très bien, mais voilà. On va vous mettre tout ça et tous ces liens sur le fil Twitter de l'émission. Et puis, sur Séville partenaire aussi. Et sur Séville partenaire également. Mais c'est de, voilà, les partenaires sont partenaires ensemble, vous, nous marchons main dans la main. Oui. Et puis bien sûr, la fête de la science du 7 au 15 octobre, il y aura plein d'événements un peu partout en Ile-de-France. Et nous en ferons le relais, Hervé. Nous, on se prépare à l'exercice de défense planétaire de la NASA qui est fixé dans une dizaine de jours. C'est un exercice assez régulier où il y a le moment est assez amusant. Il y a un astéroïde qui va frôler la Terre le 12 octobre à un quart de la distance Terre-Lune. Donc c'est assez très, exceptionnel, très près, oui. Très très près, aucun danger. Mais les experts de la défense planétaire vont en profiter pour mobiliser sur toute la Terre tous les astronomes pour faire en temps réel des suivis précis de la trajectoire de l'astéroïde pour se préparer éventuellement un impact réel qui pourrait arriver à l'avenir. Donc il va y avoir une mobilisation mondiale. Les médias seront, enfin il y aura pas d'alerte média évidemment, mais on compte bien raconter cette histoire à l'avenir dans le journal. Sylvain. La semaine prochaine, c'est la semaine Nobel. Oui. Et donc, ça va être un sujet que je vais suivre avec attention, au magazine de la recherche sur tous les sujets. Moi, particulièrement la physique. Quelques pronostics en tête. Le mercredi, quels sont vos pronostics? Allez, on prend. C'est même mardi pour la physique. C'est mardi, lundi médecine, mardi physique et mercredi chimie. Je crois que cette année commence mardi par la physique. Peut-être qu'il faudra. On va vérifier ça. On vous met les informations sur le coup de l'heure. Voilà. Ouais. Bon, alors. Et physique, allez croire que vos pronostics. J'allais croire que je fais une fixette, mais je sens que les ondes gravitationnelles sont bien placées pour décrocher la timbale. Mais ce serait qui alors ? Un Français ? Ça serait une grosse surprise. Ce serait une grosse surprise. Un trio d'Américains qui se détachent, qui ne me surprendrait pas. En tout cas, on suit évidemment dans la méthode scientifique les prix Nobel et chaque jour, on vous fera un petit topo sur le prix Nobel du jour en début d'émission lundi, mardi et mercredi prochain. Et puis, on va noter aussi quelque chose dans votre agenda, Sylvain, puisque le magazine La Recherche organise à la Cité des Sciences un forum Voyage au cœur des sciences. C'est aujourd'hui et demain, donc, la Cité des Sciences à Paris. Alors il faut s'inscrire sur le site internet. Sylvain, vous nous en dites un mot ? Oui, absolument. Sur le site La Recherche, vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, à 14h samedi, j'anime une table ronde autour de l'exploration du système solaire. Et vous aurez un peu plus que 12 minutes pour expliquer des choses et vous pourrez prendre le temps de raconter tout ça fort bien comme vous le faites d'habitude. Merci beaucoup Hervé Poirier, Science et Vie, le numéro d'octobre, Anomalies terrestres, les 10 lieux qui défient la science, également un dossier sur la première fleur que vous avez retrouvée. Merci Pauline Maison. Donnez un mot sur la prochaine ou la dernière vidéo sur votre chaîne un peu pointue. Je vous promets que la prochaine ne va pas tarder. Bon. Et vous connaissez le thème déjà ou pas encore ? Oui, ce sera les antibiotiques. Sur les antibiotiques. Et Sylvain, donc, que vous pourrez trouver en chair et en os à la Cité des Sciences demain et sinon en kiosque dans La Recherche. Pourquoi des physiciens revoient la théorie du Big Bang ? Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Hugo Bartholomei, Elisabeth Miro à la réalisation, Fabien Capel à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure à 18h20 après le journal. Et bien comme chaque vendredi, Hervé Gardette réunit son club, le club du grain à moutre. Dans quelques instants, ce sera le magazine de la rédaction. Un mot à ce que nous vous avons concocté dans le laboratoire de la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons du sucre et de la réalité ou non du scandale sanitaire que certains chercheurs soulèvent. Mardi, nous partirons en expédition avec Planète Revisitée. Mercredi, il sera question des Smart Games. Jeudi, émission spéciale consacrée à la notion de révolution en science en direct des rendez-vous de l'histoire à Blois. Et vendredi, émission fiction consacrée à Blade Runner. Allez, on se retrouve lundi à 16h jusqu'après du commentaire.